Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Louis XIV et Molière, l'absolutisme entre en scène. Molière est né en 1622 à Paris, 16 ans plus tard. Louis XIV voit le jour au Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye. D'absolutisme, il n'en est pas encore question, et pour longtemps d'ailleurs. Tous les deux sont unis dans la gloire, celle de leur vivant et celle de leur postérité. Un homme de théâtre lumineux et un roi qualifié de soleil. Nous savons que nos dirigeants sont un peu des acteurs qui oscillent entre la tragédie et la comédie. Nous ne les imaginons pas monter sur scène. Louis XIV, lui, dansait, jouait, déclamait sur les planches. Moi, le grand roi soleil, resté en bas morceau. Ah non, pardon. Resté en bas. Morceau de gloire et de splendeur, il faut que je te perde pour m'avoir sans vergogne ainsi mis dans la... Dans la... À la langue française, il manque toujours ce mot. Ah, je vous attendais bien là, si... Chameau, trouvez-moi cette rime qui avec herde sonne. Ce n'est point du ressort de ma pauvre personne. Le militaire seul au poète s'égale. Pour trouver cette rime, il faut un général. Eh bien, le général aujourd'hui, entre autres, parce que nous avons deux généraux, c'est Patrick Dandré. Bonjour Patrick Dandré. Bonjour Gavin Maudit. Et avec Thierry Sarment. Bonjour Thierry. Bonjour. Dans cette histoire de Molière et de Louis XIV, Patrick Dandré, il faut peut-être rappeler la place du théâtre dans la société du XVIIe siècle, au sens où ce n'est pas le théâtre tel qu'il a été au XIXe siècle et aujourd'hui encore un divertissement pour le soir où on va après au restaurant. C'était pas tant ça le théâtre. Je dirais plus que le théâtre, la scène est centrale. Pour un homme de lettres, c'est l'art majeur. On s'épuise à essayer d'écrire des épopées, mais en réalité, on réussit par le théâtre. Corneille en a été l'exemple, 1637, le Cid, ça a été vraiment un événement parisien. Mais parallèlement, la cour, le prince, sont aussi des gens de théâtre. On entendait là récemment un Louis XIV imaginaire. Louis XIV est monté sur la scène très tôt, c'était dans le ballet de Cassandre, il avait 12 ans et demi. Et il a joué quatre personnages, dont un personnage déguisé de dame. Il a joué son propre rôle de roi soleil dans le ballet de la nuit, qui est très célèbre et qui a été un peu remonté récemment, en 1653. C'est-à-dire qu'il a en somme anticipé dans la fiction scénique et incarnée ce qu'il allait être dans la réalité. Et durant les premières années de son règne, on va le voir, par exemple, dans des carrousels, revêtir des cuirasses à la romaine avec des panaches de toutes les couleurs pour jouer des rôles d'empereur romain ou que sais-je. Il y a donc une familiarité, je dirais un échange entre la scène et la salle. Le fait que des spectateurs dans les salles de théâtre pouvaient avoir des places sur la scène réservées au départ plutôt aux autres poètes dramatiques et puis finalement à des gens qui voulaient se faire voir et bien entendre et bien voir aussi, parce que c'était pas toujours facile depuis les loges ou depuis le parterre d'entendre et de voir convenablement. Le fait qu'il y a une sorte de proximité entre les personnages que l'on représente et ceux que l'on veut être, que le théâtre édicte parfois les manières de se conduire, qu'il propose des formes de philosophie, des formes de conduite, de morale, qui sont ensuite appliquées, qu'il y a des sentences un peu comme dans les fables de Charles Lafontaine, que le théâtre, en somme, imbibe la société, je dirais. Et pour se donner, pour avoir un équivalent de ce qu'il était à l'heure dans le monde d'aujourd'hui, nous dirions que c'est un peu le propre de l'image qui bouge, qu'elle soit l'image des réseaux sociaux, des ordinateurs, de la télévision. Vous voyez, le théâtre, c'était un peu ça. C'était l'incarnation de la pensée, l'incarnation des modes et des rites sociaux. C'était à la fois le reflet et puis aussi le guide. C'est toujours un peu le propre des arts ou des pratiques qui sont fondamentaux. C'est cette idée d'être à la fois le reflet de ce qui est et le guide de ce qui va être. Et puis dans le sketch radiophonique que nous avons entendu avec Philippe Noiret en Louis XIV, c'est une forme de théâtre qui déclame, mais le théâtre aussi c'est la pluralité des formes. C'est extrêmement pluriel, il y a tout à faire au théâtre, c'est un spectacle complet. Il y a, vous l'avez bien dit, pas que les acteurs sur scène. C'est un spectacle complet, c'est un spectacle qui cherche en même temps la solution à un problème posé par la Renaissance qui était la restauration du théâtre antique complet et comme compendium de tous les arts. Les Italiens ont trouvé très tôt une solution qu'ils ont appelée l'opéra. Les Français ont mis du temps à trouver ce secret qui serait celui d'une alliance de la parole et de la musique, où la musique ne couvre pas les paroles parce que les Français aiment la langue, ils aiment la parole. Et la création de la tragédie lyrique, la création de l'opéra à la française, qui va être le fait de Lully, a eu comme une incubation dans l'œuvre de Molière à travers ses comédies mêlées de chant et de danse, qu'on appelle parfois comédie-ballet, un peu par expansion d'un mot que Molière n'a utilisé qu'une fois pour le bourgeois gentilhomme. Mais il y a bien chez Molière comme une sorte d'attente de ce qui va être un théâtre total. Et le sien est déjà en marche vers cette totalisation. Et durant la quinzaine d'années où il a régné sur les planches à Paris, il s'est souvent alliancé avec Lully, il a souvent participé aux fêtes de cour, il a souvent été la cheville ouvrière des divertissements que Louis XIV prenez dans ces villes légiatures, que ce soit Saint-Germain, Chambord ou Versailles, car n'oublions pas que Molière n'a pas connu le grand Versailles de Louis XIV, Molière n'a pas connu la cour à Versailles, il n'a pas connu l'État à Versailles, on y allait pour résidence d'été, pour résidence parfois de plaisir, pour résidence, je dirais de vacances, hein, et dans un château qui n'avait pas la grande expansion que nous connaissons, avec la belle façade sur les jardins. C'était un petit château carré, et d'ailleurs qui ne prenait pas assez de chambres pour loger tout le monde, si bien que lorsque, au milieu du règne, en 1668, Molière montera, dans le cadre d'une très grande fête, sa comédie Georges Dandin, le château sera en pleine évolution, et le jardin aussi, parce que Louis XIV commence à faire de l'expansion. Il a un goût particulier pour ce château, même si Chambord reste très présent dans son esprit, à cause des chasses, parce que Louis XIV était chasseur, c'est à Chambord que sera créé Monsieur de Pourceaugnac, et même si Saint-Germain reste, par sa proximité avec Paris, un lieu qu'il affectionne beaucoup. Vous savez que la plus longue des grandes fêtes qui a été organisée par Louis XIV à l'époque de Molière, c'est à Saint-Germain pour le Ballet des Muses, qui a duré 80 jours. Alors, je ne dis pas que Molière restait 80 jours, on pouvait faire des allers-retours à Paris, mais on a été en fête, et la cour est restée pendant ces 80 jours, et Molière a créé trois pièces, bien oublié, Mélicerte, la pastorale comique, et puis une charmante petite pièce qui s'appelle Le Sicilien, et qui commence par ce vers dans la prose qui est « Le ciel s'est habillé ce soir en scaramouche », qui est une merveille, merveille de langue, parce que n'oublions pas que Molière, c'est d'abord la langue. Et la langue de Molière, c'est voilà. Vrai qu'on voit l'importance de Molière dans notre histoire. Thierry Sarment, dans la projection que nous avons du roi Louis XIV, le roi en majesté à Versailles, c'est pas du tout ça qu'a connu Molière. Quel Louis XIV a-t-il connu? Il a connu le Louis XIV des jeunes années, qui n'est pas celui de Versailles triomphant, comme il a été dit, mais qui est celui qui a pris le pouvoir en 1661, qui gouverne par lui-même, sans premier ministre, et qui ambitionne de faire éclater sa réputation dans toute l'Europe. Alors, d'abord par la guerre, par des conquêtes, mais aussi comme un mécène et comme le patron de tous les arts. Oui, parce que c'est ce Louis XIV-là qui nous intéresse, avec des lieux, bien sûr. Ce n'est pas Paris. Alors, ça se passe où, toutes ces histoires-là? Où vit le roi à ce moment-là? C'est encore une cour itinérante? Alors, la cour est itinérante. La résidence principale, c'est Saint-Germain-en-Laye, où Louis XIV est né. Saint-Germain-en-Laye qui ne sera abandonné, finalement, que par hasard, du fait qu'on ira installer l'histoire en exil dans les années 1680. Saint-Germain-en-Laye, Versailles, résidence de vacances. Et puis, il y a encore Paris, puisque le roi réside aux Tuileries une partie de l'année. Ce Louis XIV qui nous intéresse, c'est pas que nous, hein, parce que cette période-là est fascinante, c'est celle du Louis XIV enfant. Roger Planchon s'est demandé quel genre d'enfant avait été Louis XIV. Question cruciale, car le début de l'adolescence du roi Soleil a influencé le règne tout entier. C'était la Fronde et la révolte de la noblesse. Cette guerre, c'est la dernière guerre féodale. Et c'est la première fois, si vous voulez, où la nation française va se cristalliser, autour d'une personne. Il ne va plus y avoir qu'une seule armée, il ne va plus y avoir qu'une seule justice, etc. Le pont royal. Victoire ! Les Bordelais vont prendre la fuite ! Sa Majesté montre son cul ! Oui, mon frère, le roi a un cul. Là, vous savez ? Le roi vous regarde. Derrière le mur, je vous prie. Cette époque ignorait les contraintes. Sous l'œil inquiet de la cour, le moindre des gestes du roi était affaire d'État, y compris son initiation sexuelle, guidée par une reine-mère protectrice et avisée. Il apprendra aussi la sournoiserie, le mépris et par-dessus tout la solitude dans la promiscuité du pouvoir absolu. Nous étions en 1993 pour la sortie du film de Roger Planchon, Louis Enfant Roi. Thierry Sarment, il est question d'absolutisme ici, mais non, l'absolutisme en fait, dans ses premières années de Louis XIV, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, le mot absolutisme n'est pas du XVIIe siècle, il est postérieur, on parle de monarchie absolue, et absolu signifie, dans, au sens premier, délié. Délié des lois, solutus allegibus, comme on aurait dit dans le latin prononcé à l'ancienne. Délié des lois, c'est un idéal qui vient de l'Antiquité tardive, de l'Antiquité romaine. Le roi est, ou le souverain est au-dessus des lois, il est délié des lois, il est lui-même la loi vivante, lex animata. Et les seules lois qu'il ne peut pas changer, ce sont ces lois dites fondamentales du royaume. Grosso modo, c'est les lois qui régissent la succession à la couronne. Mais par ailleurs, il est délié des lois. C'est un idéal qui va devenir un peu réel dans le courant du règne de Louis XIV, puisque bien des choses viennent limiter cette monarchie prétendue absolue, à commencer par les corps intermédiaires de l'État, par les résistances des provinces, par aussi l'obligation coutumière qui veut que le roi prenne conseil, ne décide jamais seul, mais toujours après avoir pris conseil. Alors parfois d'un grand conseil qui comprend les grands, les princes, et puis avec le temps ce conseil va se réduire à des ministres issus de la bourgeoisie, et c'est là où l'absolutisme prendra toute sa consistance. Oui, un mot tardif, hein, cet absolutisme, c'est pratique les mots en isme parce que ça couvre d'un seul coup une période, mais dans l'extrait que nous avons entendu, il est question de la Fronde, et faut rappeler hein, combien Louis XIV, enfant, en tout cas en tant que dauphin, a senti le vent du boulet. Alors, il est roi quand la Fronde commence. Il est enfant, c'est pas lui qui gouverne, c'est sa mère, Anne d'Autriche, comme régente, assistée du cardinal Mazarin comme premier ministre. Et il a connu des épisodes traumatisants, comme la fameuse fuite à Saint-Germain-en-Laye en pleine nuit depuis Paris, ou l'invasion du palais royal où résidait la cour pendant une nuit où il a dû faire semblant de dormir pendant que les émeutiers envahissaient sa chambre. Et il en a gardé une méfiance vis-à-vis de Paris et une hostilité vis-à-vis des grands et de la noblesse. Ah, ça se comprend, c'est vrai qu'il y a eu cette peur enfant. Patrick Dandré, l'absolutisme, bien sûr, c'est un mot pratique pour expliquer, pour comprendre des choses, mais le règne de Louis XIV étant un très long règne, plus de 70 ans, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, je vais dire des bêtises devant l'historien, mais je l'ai dit quand même. Pour moi, le règne de Louis XIV, c'est trois mandats. Vous avez le premier mandat, c'est 60-80, alors là, c'est la gloire, il est jeune, c'est merveilleux, on inaugure tout, il y a des choses nouvelles, il y a une espèce de d'éclat. Et je dirais une adhésion. Vous voyez, c'est la période qu'a connue Molière, il est mort en 73. Vous voyez, donc c'est le tout début. Et les débuts, c'est toujours bien. Et ça part en fanfare. La guerre de dévolution est gagnée. Louis XIV ne se montre pas trop gourmand au moment des traités. Et puis, ça culmine avec l'héroïsme, le passage du Rhin, la guerre de Hollande, les traités de Nîmes. Et puis, un deuxième mandat après qui commence. Alors là, le deuxième mandat, c'est un peu dur. C'est-à-dire qu'il y a moins d'adhésion, l'économie périclite un peu. La guerre devient plus intense, l'Europe se coalise, il y a des sottises, des erreurs, il y a une dévotion montante. Ça se termine, on va dire que ça va jusque vers 90, allez, disons 1700, avant la guerre de succession d'Espagne. Ça, c'est le deuxième mandat, un peu plus roide, je dirais, âpre. Et puis alors le troisième, ça, c'est la guerre d'Espagne, c'est 1715, c'est le roi vieillissant, c'est la dévotion galopante, ça c'est ce qu'on appellerait le mandat de trop, vous voyez, c'est comme ça. Mais, alors, je crois qu'il y a, entre Louis XIV et Molière, une année, une décennie, l'année 60, vous voyez, 1660, quelque chose se passe, un changement, un éclat. Molière revient des provinces où il est parti apprendre son triple métier de chef de troupe, de comédien et de poète, après l'échec d'un théâtre qu'il avait fondé, éphémère, avec ses amis Béjart, l'illustre théâtre, en 43. Il revient en 58 par Rouen. Sa troupe est à la suite de tractations données aux frères du roi, monsieur, et on lui donne la salle du Petit Bourbon, qui avait été la salle des états généraux de 1614, une très belle salle où jouaient les Italiens. Et en 58, il conquiert Paris par les précieuses ridicules, qui est un coup d'éclat. Et je dirais que ça commence, il va devenir l'homme à la mode, l'homme d'actualité par ce coup d'éclat. Une comédie qui est en même temps une petite farce, qui rit facilement, qui se donne, mais qui est en même temps une satire d'actualité, incluse dans l'immédiateté des Conduite sociale, et puis aussi la première comédie sur les imaginations chimériques, ce qui va être le fond de commerce du théâtre de Molière, c'est-à-dire la raillerie à l'égard de ces gens qui ont des idées fixes et qui sont des chimères. 1660, c'est la mort de Scarron, qui était le poète comique du burlesque, c'est-à-dire la génération d'avant, celle de la Fronde dont parlait Thierry Sarment, c'est-à-dire celle de Corneille aussi. Vous voyez qu'en 60, Corneille édite son théâtre complet, comme s'il faisait la somme d'une première période. Période commencée avec le Cid, 1637. C'est loin, hein, 37 par rapport à 60. Corneille va continuer sa carrière, une carrière très longue, mais il sera plus, je dirais, un homme du présent. Il sera plus un homme d'avenir, en tout cas. Vous voyez, il est un très grand poète, le plus grand poète dramatique, mais qui, en quelque sorte, se survit. Et puis, en 1660, le frère de Molière meurt. Alors vous allez me dire, ça n'a pas de grand rapport avec tout ce que je viens de dire, mais si, parce que ce frère avait obtenu la survivance de la charge de valet de chambre du roi que le père de Molière avait acquise. Et ce frère l'a laissant, Molière, redevenu parisien, peut devenir valet de chambre par quartier, et il aura l'oreille du roi au petit lever pendant plusieurs mois de l'année, et donc une proximité. Or, en même temps, en 1660, Louis XIV se trouve dans une position extraordinaire. 59, la paix des Pyrénées, l'Espagne cesse d'être la première nation de l'Europe. Il y a une place à prendre. Ce que j'appelle une fenêtre d'opportunité pour tous les deux. 1660, retour de Condé, pardonné. C'est la fin de la Fronde des Princes dont il était question tout à l'heure. 1661, mort de Mazarin, coup d'éclat, équivalent des précieuses ridicules. Vous me direz que je pousse peut-être les choses un peu loin. Louis XIV décide de ne pas prendre de Premier ministre. C'est la fin de la diarchie sur laquelle nous vivons encore. Premier ministre, président de la République, Premier ministre, roi. Ce sera un Henri IV sans Sully, ce sera un Louis XIII sans Mazarin, sans Richelieu. Et puis, 61, c'est aussi l'arrestation de Fouquet. Et ça, c'est un coup de semonce pour les parlementaires et les financiers, qui étaient les autres forces qui auraient pu être dissidentes. Alors que se passe-t-il? Eh bien, en 61, sous l'égide de Fouquet, dans une immense fête de Vaux, Louis XIV rencontre Molière, qui est invité à jouer les fâcheux, et Louis XIV suggère à Molière d'ajouter à cette galerie de casse-pieds, c'est ça que ça veut dire, fâcheux, un fâcheux qu'il a oublié, un chasseur qui ne parle que de chasse et qui est un casse-pied, parce qu'on ne peut parler avec lui que de ça. Molière broche une scène en une nuit, et dans la préface qu'il fera à sa pièce quand il l'éditera un an plus tard, il dira qu'il n'a jamais été aussi inspiré que ce jour-là, et il ajoutera, je le cite, « Je conçois par là ce que je serais capable d'exécuter pour une comédie entière si j'étais inspiré par de pareils commandements. » C'est un appel à une politique culturelle d'État. Oui. Déjà, avant la création du ministère de la Culture par Malraux en 59, cette fête de Vaux, c'est Vaux le Vicomte, hein, fête de Vaux, c'est très beau comme expression. Thierry Sarment, on l'a entendu, hein, Patrick Dandré, fait commencer le premier mandat de Louis XIV en 1660. Il faut rappeler que Louis XIV est roi en 1643, à la mort de son père. Mais il n'a que 5 ans. Voilà, donc il y a la régence de sa maman auparavant. On sent bien que cette période-là, cette période où Louis XIV, après la mort de Mazarin, décide de prendre le pouvoir personnel, c'est une période mais d'enthousiasme pour le pouvoir et pour les arts. Enfin, il se passe quelque chose là, on le sent. Alors, puisque la prise du pouvoir par le roi, ça évoque pour ce qui tient lieu d'opinion, c'est-à-dire Paris, et la noblesse, l'idée du renouveau. Voilà. C'est l'idée du renouveau, le jeune roi, le roi soleil, qui soleil de la France, soleil du monde. Et dans l'esprit notamment de Colbert, qui est le ministre prépondérant des années 1660, au-delà des conquêtes et de la guerre, eh bien, il y a toute cette... alors, politique culturelle est un mot à utiliser avec précaution, mais ce mécénat, le mot aurait été plus compris, qui va consister à construire des bâtiments, transformer Paris, donner des pensions aux gens de lettres, frapper des médailles à la gloire du roi, faire faire des estampes représentant les maisons royales, etc., etc. Les académies, c'est le moment où les académies où est fondée l'Académie des sciences, où l'Académie française prend toute sa dimension, l'Académie des inscriptions est créée, et ainsi de suite. Et le père de Molière lui-même disposait d'une charge, donc cette charge que Molière lui va récupérer, c'est quoi cette histoire-là de charge? Alors, un quartier, on a parlé de quartier, le quartier c'est trimestre. Donc, dans la maison du roi, on multiplie les offices, tout simplement pour faire rentrer de l'argent, parce qu'on vend les offices, et donc, une grande partie des charges sont exercées par trimestre, c'est-à-dire que pour une même fonction, vous avez 4 titulaires. C'est le cas pour le capitaine des gardes du corps du roi, le premier gentilhomme de la chambre, et pour ses valets, valets-chambres. Parfois, il y a même 8 titulaires pour une charge. Et donc, Molière est détenteur d'un de ses offices, ce qui lui donne un accès relatif au roi. Et puis, ça va être, dans la suite, un sujet de fantasme, puisque au XIXe siècle, on imaginera une scène tout à fait improbable où Louis XIV invite Molière à partager son encas de nuit, à partager un repas à sa table. Ce qui est tout à fait impossible dans l'étiquette et les pratiques de l'époque. Mais ça montre que nous avons tendance à établir un dialogue entre Louis XIV et Molière, ce qui me paraît assez douteux, parce que je pense que pour Louis XIV, Molière a été un amuseur, un peu ce qu'était Louis de Funès pour le général de Gaulle, un auxiliaire de sa politique de gloire, au même titre que Lully, que Lebrun, que Le Nôtre, tous ces artistes. Mais j'ai peine à croire qu'il y ait un dialogue à égalité entre un monarque et un homme de lettres dans les mentalités de l'époque. Donc c'est faux, Louis XIV et Molière ne trempaient pas leurs tartines dans le même café lors de ces repas nocturnes. Peut-être, mais nous avons quand même une phrase de Racine dans une lettre qui dit qu'il était au petit lever, que Louis XIV a parlé aimablement à Molière, et Racine ajoute, il était heureux que je fusse là, parlant de Molière, parce que Molière est très fier que Louis XIV lui ait parlé. Le valet de chambre, quand même, il avait pour tâche d'aider les valets à refaire le lit du roi, de vérifier que les meubles, les tentures, tout cela était en place. Il est au petit lever, et il est donc du bon côté de la porte. Quand Molière sera gratifié, justement, vous parliez de ses gratifications par Louis XIV, il fera un remerciement au roi et un remerciement qui, justement, se passera au Louvre. Et alors Molière attiffe sa muse en marquis, et le marquis est du mauvais côté de la porte. Il est celui qui veut entrer, celui qui crie à l'huissier « pour le marquis un tel !» et qui va gratter la porte avec son peigne. Bref, il est dans la foule, alors que Molière, il est de l'autre côté. Donc la muse de Molière n'a pas autant de proximité avec le roi que Molière lui-même. En 1663, Molière remercie le roi. Vous savez ce qu'il faut pour paraître marquis ? N'oubliez rien de l'air ni des habits. Arborez un chapeau chargé de 30 plumes sur une perruque de prix. Que le rabat soit des plus grands volumes et le pourpoint des plus petits. Mais surtout, je vous recommande le manteau d'un ruban sur le dos retroussé. La galanterie en est grande et parmi les marquis de la plus haute bande, c'est pour être placé. C'est Molière qui remercie Louis XIV, interprété par Madame Simone en 1969. Thierry Sarment, dans ce monde-là, Molière bénéficie d'une charge. Comment ça se passe en fait ? C'est-à-dire qu'il touche de l'argent, il en donne, parce que là il est pensionné, donc il reçoit des sous. Alors, l'idée c'est que les fonctions publiques s'achètent et se vendent, et une fois qu'on les a achetées, on touche des gages. Et donc c'est un placement. C'est un placement qui s'accompagne, dans le cas des offices de la Maison du Roi, d'un certain nombre de privilèges, notamment de juridiction. Donc, et puis, de proximité physique avec le monarque, avec la cour, et donc des moyens d'influence. Oui, c'est ça. Louis XIV a Molière dans son entourage, et Molière a accès au roi. Alors avec des limites, bien sûr, vous l'avez rappelé, hein, l'importance de l'étiquette, du cérémonial, on ne fait pas n'importe quoi. Ils sont potes, Patrick d'André, Louis XIV et Molière ? Disons qu'il y a une connivence d'intérêt, c'est-à-dire que Louis XIV, par l'intermédiaire de Colbert, cherche les gens qui sont capables d'illustrer le règne. On a, par la correspondance entre Colbert et un poète que Colbert avait chargé de faire un tri parmi les gloires du royaume, qui s'appelle Chapelain, par sa correspondance, on sait comment on en est arrivé à gratifier annuellement les gens. Au départ, il était question de sélectionner les poètes dont le talent permettrait de faire un éloge du roi, simplement un éloge. Et puis on est venu à l'idée qu'on allait intervertir. On n'allait pas demander l'éloge et ensuite payer, on allait payer d'abord. Et certainement que ces gens stipendiés seraient très heureux de faire un éloge du roi. Donc ils le font. Et à partir de là, on dit que cet argent, il est simplement pour aider des créateurs dans tous les domaines, y compris les sciences, y compris même quelques étrangers qui illustrent le règne. Et là, il y a un changement de pensée, vous voyez. Je pense qu'on passe du mécénat, vous parliez tout à l'heure du mécénat, à autre chose qui est une sorte de mécénat d'État, avec des pensions qui tombent, une régularité, et puis cette idée que ceux qui sont gratifiés vont écrire pour la gloire du roi en remerciement, et ceux qui ne le sont pas vont s'écrire pour la gloire du roi afin de le devenir. Et on a un bon exemple, c'est la rougeole de Louis XIV, c'est qu'il avait coutume de temps en temps d'être malade, après la scarlatine, la rougeole, et au moment de sa rougeole, je crois que c'est en 63, on voit des gens qui écrivent pour, parce qu'ils sont déjà gratifiés en déplorant, puis d'autres qui écrivent parce qu'ils espèrent, et c'est le cas notamment de Racine, les événements les plus menus de la cour deviennent des occasions, des ferments, des pivots d'écriture littéraire, vous voyez. Et l'art, évidemment, c'est de se transfigurer. Le remerciement au roi que vous avez fait écouter tout à l'heure, le génie de Molière, c'est d'avoir propulsé ce remerciement sur ce qui était sa spécificité, c'est-à-dire la scène comique, dont le personnage le plus ciblé à cette époque-là par lui était le marquis. Déguiser sa muse en marquis, c'est projeter son remerciement sur la scène, sur ce qu'il sait faire. Il a parfaitement compris. Alors, je ne sais pas s'il y a une accointance entre eux, mais il a compris. Il a compris, ce qui ne veut pas dire du tout qu'il est turiféraire, ce qui ne veut pas dire du tout qu'il est dans le culte du roi. La pensée de Molière, c'est une pensée de la liberté, c'est une pensée de l'autonomie du sujet, c'est une pensée de la raison qui ne s'accorde peut-être pas avec un état absolu, un peu quand même un état clos et fermé sur une certaine image de l'autorité qui ne se discute pas. Mais il y a une accointance d'intérêt, si vous voulez. Chacun des deux avait intérêt à l'autre, et je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite dans leur alliance de caractère, ça c'est tout à fait autre chose. Ce que l'on sait, c'est que Molière pratiquait l'éloge avec cette mesure très juste qui était l'intermédiaire entre la familiarité, celle de Marot avec François Ier un siècle avant, et le caractère empesé que l'on va trouver chez Racine et Boileau dans la deuxième moitié du règne quand ils seront historiographes et qui sont tout en génuflexion et en révérence. Il est dans un intermédiaire que lui permet la situation comique. Et je ne sais pas si j'ai le temps de vous lire quelques vers qui sont assez intéressants. C'est au début du grand divertissement royal de Versailles en 68, du prince des Français, rien ne borne la gloire, c'est du Molière. À tout est de ses temps et chez les nations, les vérités de son histoire vont passer des vieux temps, toutes les fictions. On aura beau chanter les restes magnifiques de tous ces destins héroïques, qu'un bel art prit plaisir d'élever jusqu'aux cieux, on en voit par ses faits la splendeur effacée, et tous ces fameux demi-dieux dont fait bruit l'histoire passée, ne sont point à notre pensée ce que Louis est à nos yeux. Pour passer du langage des dieux au langage des hommes, le roi est un grand roi en tout, et nous ne voyons point que sa gloire soit retranchée à quelques qualités hors desquelles il tombe dans le commun des hommes. Vous avez remarqué le passage de la parole obligée, bon, où on ne reconnaît pas Molière, et puis au moment où la prose arrive, quelque chose qui est de l'humour, du clin d'œil. Pour passer du langage des dieux au langage des hommes, le roi est un grand roi en tout. Vous voyez, une bonhomie. Et ça, c'est tout l'art d'être juste. C'est-à-dire de ne pas se confondre dans l'anonymat des turiféraires, de rester soi-même, mais tout en restant soi-même, de savoir dire la parole qu'il faut dire à ce moment-là. L'appropriation. Être approprié, c'est le grand talent de cette époque-là. C'est le grand talent que l'on attend des écrivains. Molière est toujours dans l'aptum des rhétoriciens, c'est-à-dire l'art d'être apte, l'art d'être convenable, la convenance. Et son œuvre, d'ailleurs, exalte cela, être convenant aux situations. Regardez le misanthrope, Alceste qui va dire à un monsieur qui lui offre des verres et lui demande son avis là-dessus, franchement, il est bon à mettre au cabinet, c'est pas convenant, vous voyez. Il y a des fois où il faut être dans la vérité, puis il y a des fois où il faut être dans la politesse. Question d'aptum. C'est très dur d'être juste, d'être convenant. Thierry Sarmon, vous êtes conservateur général aux Archives Nationales. Vous êtes l'auteur de Louis XIV, Homme et Roi chez Talandier, ou encore de Louis XIV, L'Univers du Roi Soleil avec Alexandre Maral. Dans cette construction sociale très particulière autour de Louis XIV, savoir être convenant, pour reprendre ce mot, c'est difficile au sens où c'est une évolution. Le cérémonial, l'étiquette, c'est une construction qui se met en place peu à peu. Molière observe tout ça, c'est pas le seul. On parle beaucoup de Saint-Simon, on a l'impression qu'il y aurait comme un guide à suivre, mais non. Alors, la pièce éclairante de ce point de vue, c'est le bourgeois gentilhomme. Le bourgeois gentilhomme, c'est Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain, c'est un marchand de draps qui voudrait faire croire qu'il est d'origine noble, qui s'habille luctueusement, comme on l'a entendu dans l'extrait tout à l'heure, qui prend des leçons d'escrime, donc de français, etc., qui cherche à s'assimiler à la noblesse. Et Louis XIV rit énormément à cette pièce, puisque elle brocarde finalement son entourage. à la fois les ridicules de l'aristocratie, puis les ridicules de la nouvelle classe gouvernementale en train de monter en force. Et en fait, les spectateurs du temps qui voient le bourgeois gentilhomme, eh bien, ils reconnaissent Colbert. Colbert, dont les ancêtres ont été des drapiers. Et l'application est tout à fait évidente pour les contemporains. Patrick Dandré. Je ne suis pas sûr que ça puisse... C'est une lecture excellente, mais de premier niveau. N'oublions pas que le bourgeois gentilhomme est dans sa marotte de gentilhommerie pendant trois actes, avec des maîtres tailleurs, danseurs, etc., qui essaient de lui faire adopter les modes de la cour. Il est même victime d'un aristocrate véreux qui lui prend de l'argent. Mais à la fin du troisième acte, un valet habile, voyant que son jeune maître ne pourra jamais épouser Mademoiselle Jourdain parce que le bourgeois gentilhomme veut en faire une marquise, décide de transporter le tout dans une hallucination en faisant venir un carnaval de Grand Turc et en faisant croire à Monsieur Jourdain que sa fille va épouser le fils du Grand Turc et en le faisant Mamamouchi. Et là, je dirais que, en profondeur, dans la profondeur du texte, Molière ne le dit pas, mais le texte le dit, il y a comme une déconstruction de la politique de l'image. Ce passage de la chimère, de l'idée fixe de Monsieur Jourdain sur la gentilhommerie, à quelque chose qui est de l'ordre de l'impensable, du n'importe quoi, cette turquerie, ce carnaval, c'est peut-être un petit peu quelque chose qui ne porte plus sur la valeur de l'objet, mais plutôt sur le mécanisme de son idéalisation par l'image. Et ça, c'est un verre dans le fruit de la politique de l'image que Louis XIV met en place. Molière ne le fait pas par volonté, si vous voulez, mais je dirais que ça n'est pas toujours caresser le courtisan dans le sens du poil que de se moquer du bourgeois qui veut devenir courtisan, parce qu'il les renvoie dos à dos dans une sorte de dénonciation de ce qu'il y a d'artificiel. Je dirais qu'il y a un effet corrosif de la folie de Monsieur Jourdain qui renvoie à une turquerie la politique de l'image que Louis XIV met en place avec une conscience parfaite. L'historien connaît mieux que moi les mémoires que Louis XIV dicte pour son fils le dauphin et où il lui apprend son métier de roi et où il lui explique les conditions d'une politique de l'image. Par exemple, Louis XIV se justifie de cette société de plaisir dont il dit, qui donne aux personnes de la cour une honnête familiarité avec nous, les touches et les charmes, plus qu'on ne peut dire. Les peuples de notre côté se plaisent au spectacle, où au fond on a toujours pour but de leur plaire, et tous nos sujets en général sont ravis de voir que nous aimons ce qu'ils aiment, ou à quoi ils réussissent le mieux. Transformez ça en football, et vous avez le Qatar. C'est ce qu'on appelle la politique de l'image, vous voyez. Et Louis XIV a déjà cette idée, une politique de la communication. Il y ajoutera simplement une politique de l'information, et avec ça, vous avez l'absolutisme. Thierry Sarment. Alors, ce qui est curieux, ce bourgeois gentilhomme a évidemment des multiples niveaux de lecture. Ce qui est assez curieux, c'est que dans la deuxième partie du règne, une fois que Molière aura disparu, il va devenir un classique finalement, encore du vivant de Louis XIV. Et quelle est la première pièce qu'on emmène voir aux jeunes princes, duc d'Anjou, duc de Berry, c'est le bourgeois gentilhomme. Et d'ailleurs, ils en pleurent de rire. Ils en pleurent de rire. Donc, c'est vraiment la pièce qui fait le plus rire les courtisans, qui devient un classique. Et même, à un moment, on reçoit un ambassadeur de Tripolitaine, donc un ambassadeur qui relève de l'Empire ottoman, et on l'emmène voir le bourgeois gentilhomme, et notamment la scène de Turquerie dont vous parliez. Et alors, l'ambassadeur demeure quelque peu interdit. Et au fond, il dit, non, mais il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que quand on lui donne le bâton, on ne lui donne pas le bâton à la façon ottomane. Chez nous, on donne des bâtons sur les pieds et pas sur le dos. Voilà. Tout est dans les nuances. Tout est dans les nuances et dans les lectures possibles des mêmes phénomènes. C'est vrai qu'on parle de la cour, on imagine une cour extrêmement rigide, figée, mais Thierry Sarment, cette cour, c'est aussi un monde d'adaptation, sans cesse savoir où se placer. Parce que le cérémonial est une chose, mais contourner le cérémonial, c'en est une autre. Et Louis XIV reste toujours le maître de l'étiquette, et il est toujours maître de s'affranchir du cérémonial quand il le juge nécessaire. Quand il va en campagne, par exemple, il s'affranchit du cérémonial du repas qui, d'habitude, il ne déjeune ou soupe qu'avec des membres de sa famille, et il peut prier des généraux de partager son repas, ou quand il est logé chez l'habitant, il demande à la maîtresse de maison de s'asseoir à sa table. Oui, c'est ça. Hein. C'est dans l'absolutisme, il y a l'idée que le roi décide. Donc à partir de là, il peut faire un peu ce qu'il veut. Il est le maître des rangs. Oui, il y a un très bel hommage que fait Louis XIV, que fait Molière à cette grâce qu'avait Louis XIV de pratiquer l'étiquette avec souplesse. C'est à la fin du remerciement au roi dont nous parlions tout à l'heure. Je suis désolé, je suis en désordre dans votre émission, Xavier. Vous c'est allez pas grave, c'est pas grave parce qu'on vous suit très bien. Et à la fin de ce remerciement, Molière dit tout ce que la muse devrait dire pour remercier Louis XIV, mais sous la forme qu'on appelle la prétérition, c'est-à-dire vous pourriez dire. Et puis, au moment où la muse va enfin pouvoir dire son compliment, le roi arrive et... dès que vous ouvrirez la bouche pour lui parler de grâce et de bienfait, il comprendra d'abord ce que vous voudrez dire, c'est-à-dire d'emblée. Et se mettant doucement à sourire, d'un air qui sur les cœurs fait un charmant effet, il passera comme un trait, et cela vous doit suffire, voilà votre compliment fait. C'est-à-dire que c'est le simple sourire du roi vaut faveur et empêche la muse, et peu importe, de donner tous les compliments que Molière a quand même donnés, parce qu'il a l'art de le faire, mais en ayant l'air de dire qu'il ne les fera pas. Et je crois qu'il y a par-dessus l'étiquette la manière de se l'approprier. C'est un peu cela, l'art de Louis XIV. C'est aussi à sa manière ce que fait Molière avec sa morale, comme le fait La Fontaine. Il ne s'agit pas d'édicter des principes de raison, des principes de lucidité. Il s'agit de montrer dans les situations concrètes comment on doit les approprier à des cas particuliers. La vérité, par exemple, dont Alceste fait une loi absolue, dont je parlais tout à l'heure, cette vérité, il y a des fois où elle est bonne à dire, puis il y a des fois où elle ne l'est pas, parce que d'autres valeurs doivent passer devant. Et le théâtre de Molière est une école d'appropriation des valeurs éternelles et absolues aux situations concrètes et passagères. Et je dirais que là aussi, Louis XIV était un grand seigneur et un grand maître. Vous connaissez la fameuse scène avec Lauzun qui lui fait toute une algarade parce que Louis XIV elle m'avait promis un commandement qu'il lui retire, et Lauzun casse son épée sur son genou, là, c'est dans la galerie de Versailles, c'est un peu plus tard, en disant « je ne veux pas servir un prince qui manque de parole ». Vous imaginez devant Louis XIV, et Louis XIV, dit Saint-Simon, eut alors l'acte le plus grand de son règne, il ouvrit une fenêtre, il prit sa canne et la jeta en disant « je ne voudrais pas qu'il fût dit que j'ai bâtonné un gentilhomme ». Vous voyez, c'est ça la maîtrise de soi, et c'est ça l'art de s'approprier à une situation très difficile. Parce que quand vous avez un fou qui est votre favori, qui casse son épée en deux et qui vous dit « je ne veux plus vous servir », que voulez-vous faire ? Il trouve la solution. Et cet art de l'appropriation, cet art de l'aptum, dont je parlais tout à l'heure, le roi le partage avec ses meilleurs poètes. Louis XIV et Molière, l'absolutisme entre en scène. Ce soir, le roi Soleil. Et sa politique théâtrale. Politique de prestige vis-à-vis de l'étranger, et en même temps politique de réaction contre le Parlement, l'Église, etc. Louis XIV et Molière. On pourrait intituler tout ce grand chapitre Louis XIV et Molière. Mmh. Ça, nous le connaissons un peu mieux, évidemment. Le théâtre et ses magnificences sont largement subventionnés par le roi. C'est un roi qui ne dédaigne pas de danser en personne dans les comédies-ballets commandées à Molière et à Lully, et décorées, je crois, par Vigarani. Et avec quel luxe. Oui, quel goût. C'est, si on peut dire, la théâtralisation de l'État. Oui. C'est ça, oui. Mais la censure dans tout cela. Nous y arrivons, mais ne croyez pas que Louis XIV était tellement libre d'imposer sa volonté. Le Parlement et l'Église sont toujours là. Ils lui en font voir. Mais Molière avait le roi pour lui. Oui, mais tout roi absolu qu'il était, Louis XIV se trouva contraint de ménager et le Parlement et le parti des dévots. D'où l'interdiction de Tartuffe et l'interruption des représentations de Don Juan. Et voilà, Louis XIV et la censure présentée en 1956 sur la radio-télévision française. Thierry Sarment, ce roi absolu n'est pas absolu. Vous nous avez bien dit que ce mot absolutisme est un mot tardif, hein, du 19e siècle. La construction de cet absolutisme vu de loin, c'est quoi en fait? C'est à quel moment que Louis XIV est un roi absolu? Pour le dire autrement, est-ce que Molière a connu ça? Oui, tout à fait. Oui, puisque à partir de 1661... les parlements sont domptés, les grands sont domestiqués. Oui, il a vécu. Sa jeunesse a été traversée par la Fronde, mais sa grande période d'activité, la période 1658-1673, c'est le plein absolutisme de Louis XIV. Ouais. Ça se concrétise comment ? Donc vous nous avez dit les parlements sont muselés, donc ces parlements sont les chambres de justice. Les parlements ne sont pas des assemblées représentatives comme celles que nous connaissons, ce sont des cours de justice, et la principale est le Parlement de Paris, dont le ressort couvre un tiers du royaume environ. Donc les parlements sont muselés. Il reste des assemblées dites provinciales dans certaines provinces, notamment en Bretagne, en Languedoc, en Provence, qui ont un droit plus ou moins théorique de négocier l'impôt. Bon, généralement, il y a une transaction plutôt favorable au pouvoir royal. Et donc les contre-pouvoirs sont relativement peu nombreux. Malgré tout, ça a été évoqué dans l'extrait qu'on a entendu, le pouvoir de l'Église qui reste puissant, puisque à l'époque, on n'est pas encore dans le tournant dévot du règne, qui viendra plus tard, après la mort de Molière. Quand Colbert parle des dévots, dans ses correspondances, pour lui, les dévots sont des adversaires, puisque les dévots sont les héritiers du parti de la Ligue, des guerres de religion, ils sont les héritiers du parti de l'étranger, finalement du parti de l'Espagne. Donc, dans les années 1650-1660, le gouvernement est assez ambigu vis-à-vis des dévots. C'est un roi de droit divin. Il faut rappeler aussi le droit divin, c'est au cœur de notre réflexion autour de l'absolutisme. Il est évident que, même s'il y a une réticence vis-à-vis des dévots, le fondement de la monarchie, c'est le droit divin. Le roi est l'élu de Dieu, c'est ce qui est matérialisé par l'onction du sacre, et puis par toute cette tradition qui passe par Clovis et son baptême, par Charlemagne couronné empereur, par Saint-Louis qui est le modèle de roi parfait et qui est le modèle de Louis XIV. Dans cette lecture-là de ce pouvoir absolu, on voit bien des contre-pouvoirs. Patrick Dandré, Molière, s'en amuse-t-il ? Que trouve-t-on d'absolutisme ou de pouvoir absolu dans l'œuvre de Molière ? Parce qu'on l'a bien dit, il remercie le roi, il a une pension, donc il aurait tout intérêt à magnifier le roi. Il y a des petites piques ? Pas contre le roi, mais disons que dans la sphère du monde privé, on commence à être en séparation entre le public et le privé au XVIIe siècle. Les pères tyranniques ou les mères tyranniques qui dirigent leur cellule familiale à travers leur obsession, leur idée fixe, leur imagination dépravée, essaient de mettre tout le monde à la même sauce de folie. Chez celui qui se croit malade, il y aura que des médecins, et sa fille devra épouser un médecin. Chez celui qui, c'est la femme qui se croit, qui ne jure que par les savants, il faudra épouser un poète, et ainsi de suite. Et donc, je dirais que l'autorité est sapée par différentes voies. Dans les comédies de Molière, il y a la voie de la raison, des gens qui viennent lui dire à ce fou que il faut un peu équilibrer les choses et que ce n'est pas net. Il y a la voie du ridicule. Le ridicule est tellement net, et les valets souvent mettent en évidence ce ridicule. Il y a la voie de la mystification. On le détourne, on le trompe, on le circonvient, et par là, on réussit à obtenir le mariage des jeunes gens. Et il y a différents moyens, en somme, de transformer ce qui était un pouvoir absolu en le dénonçant et en essayant de le rééquilibrer. Et je dirais que le travail de sape que représente la comédie de Molière n'est pas dans les superstructures, il n'est pas apparent, il est au fond des choses et dans cette exigence de liberté, parce que c'est un théâtre vraiment de liberté individuelle, résumée dans un vers de Cléante, justement dans une pièce d'Artuffe, qui est une pièce où la dévotion est mise en question, qui est « Je sais comme je parle et le ciel voit mon cœur ». Donc que l'État ne s'en occupe pas, alors que Louis XIV, dans les mémoires qu'il écrivait pour le Dauphin, a une espèce de théorie du panoptisme. Il y a quelques lignes que j'aimerais vous lire, je ne sais pas si on a encore le temps. « Tout ce qui est le plus nécessaire à ce travail, écrit-il à son fils à propos du métier droit, est en même temps agréable, car c'est en un moment, fils, avoir les yeux ouverts sur toute la terre, apprendre incessamment les nouvelles de toutes les provinces et de toutes les nations, le secret de toutes les cours, l'humeur et le faible de tous les princes et de tous les ministres étrangers, être informé d'un nombre infini de choses qu'on croit que nous ignorons, voir autour de nous-mêmes ce qu'on nous cache avec le plus de soin, découvrir les vues les plus éloignées de nos propres courtisans, leurs intérêts les plus obscurs qui viennent à nous par des intérêts contraires. » Et vous avez là la politique du ballon. C'est-à-dire Du ballon chinois. qui passe au-dessus des États-Unis. D'accord, oui. je l'ai. Oui, on est déjà dans cette politique de l'information. Je parlais tout à l'heure de la politique de la communication, la politique de l'information. Que répond Molière à cela? Ben, Molière répond qu'il faut essayer d'y échapper. Et ces trois grandes comédies du centre de son œuvre, Tartuffe, Don Juan, Le Misanthrope, qui sont des comédies de la vérité et de l'imposture, sont des œuvres dans lesquelles on voit bien qu'il y a un travail pour lutter contre une idée qui va naître en Angleterre à peine une décennie plus tard, le fanatisme. Que fait Orgon empaumé par son Tartuffe, sinon être le fanatique d'un illuminé? Enfin, c'est un faux illuminé, parce que Tartuffe est un imposteur, mais cette théorie que John Locke développera à la fin du XVIIe siècle en Angleterre, c'est l'idée que quand vous avez une secte, il y a le dirigeant qui est soit un illuminé, soit un nègre fin. Et puis vous avez les fanatiques qui sont les relais. Et que veut faire un fanatique? Ben, c'est en créer d'autres. Et que fait Orgon? Ben, il demande que toute la famille devienne dévote à son tour. Et c'est un peu la théorie que fera Don Juan dans une tirade où il explique que l'hypocrisie est le vice à la mode et que tout le monde est hypocrite et qu'avec ça, on prend le pouvoir. Vous avez là une dénonciation du fanatisme et dans une comédie qui est liée à ces deux, dans Le Misanthrope, vous avez un personnage raisonnable qui dit « La parfaite raison fuit toute extrémité ». Et qui réclame quoi? La tolérance. C'est la naissance de la tolérance du XVIIIe siècle. Alors l'historien va me dire, la tolérance, on connaissait déjà. Il y a eu un édit de tolérance, l'édit de Nantes. Oui, mais l'édit de Nantes, c'est une tolérance religieuse. Et la tolérance religieuse consiste à accepter des gens qui dérivent, mais enfin pas trop, à partir de ce qui est vrai. Alors vous pouvez avoir un édit de tolérance à l'égard des protestants, mais vous ne l'aurez pas à l'égard des musulmans. Vous voyez, parce que c'est trop loin. Et encore moins à l'égard des hindouistes. En revanche, la véritable tolérance du XVIIIe siècle, c'est « j'accepte que l'autre dise ce qu'il a à dire à proportion de son éloignement par rapport à moi. Plus il est éloigné, plus je dois le laisser parler. Pourquoi ? Parce que c'est une tolérance de principe. C'est pas une tolérance de calcul. C'est pas « oh, il est un petit peu loin, mais enfin, on peut quand même admettre ça, je le tolère ». Non, c'est une tolérance de principe. Et ce que dit le personnage de Philinte dans Le Misanthrope, c'est qu'il faut tolérer, c'est-à-dire il écoute et il est ami avec deux extrêmes, un type totalement vertueux jusqu'au fanatisme de la vertu et de la vérité, et une femme totalement non vertueuse au point qu'elle ment tellement qu'elle ne sait plus elle-même de qui elle est amoureuse. Et lui est au centre entre ces deux extrémités. C'est la théorie de l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Une vertu, ce n'est pas le contraire d'un vice, c'est l'équilibre entre deux vices. Le courage, c'est l'équilibre entre trop de courage qui s'appelle la témérité et pas assez de courage qui s'appelle la pusillanimité. Et c'est comme ça que le pouvoir peut régner en étant au centre. Et vous avez remarqué que quand un pouvoir règne au centre en n'étant ni de droite ni de gauche, il élimine l'affrontement de la droite et de la gauche en obtenant une extrême gauche pour laquelle ne votera jamais l'extrême droite et une extrême droite pour laquelle ne votera jamais l'extrême gauche. Et c'est comme ça que, sous les présidents philosophes, la parfaite raison fuit toute extrémité et s'incarne dans un parti central. Voilà, et puis alors, ce petit clin d'œil auquel je ne m'attendais pas, avec en plus ce vocabulaire, le contraire de la témérité. Moi, j'aurais dit, allez l'acheter, et non, on a vu l'animité. Merci, Patrick Dandresque. En plus, on a le vocabulaire. Non, mais il faut rappeler, hein, Thierry Sarment, que le Louis XIV dévot, que l'on imagine souvent, ce n'est pas celui-là qu'a connu Molière. Et il y a des tensions religieuses extrêmement importantes. Dans les contre-pouvoirs, on l'évoquait, mais il y a tous ces dévots. Alors, il faut aussi voir que l'idée de la tolérance qu'a Molière n'est pas majoritaire à l'époque. L'exemple que donne le dictionnaire de Furtière pour la définition du mot tolérance, c'est « la tolérance qu'on a pour les vices est souvent en cause de leur accroissement ». Donc ça montre bien qu'on est dans une idée d'une tolérance qui est un pis-aller. Voilà. Tolérance religieuse. Là. Tolérance religieuse. Tolérance, voilà. Molière avait vraiment beaucoup d'avance. Ce qui me frappe, on a parlé du Tartuffe, cette question des dévots, c'est la seule pièce, dans mon souvenir, où il y a une intervention directe de la personne de Louis XIV. Puisque dans la deuxième version, celle de 1669, on ajoute un acte, et qu'est-ce qui va amener la chute de Tartuffe? C'est l'intervention du roi. Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude, et une sorte de deus ex machina qui fait qu'on vient arrêter Tartuffe au moment où il allait s'emparer des biens de la famille où il s'est installé. Un prince dont les yeux se font jour dans les cœurs et que ne peut tromper tout l'art des imposteurs, les yeux. Et vous voyez, ça, ce final, cette tirade de l'exemple, qui est un morceau d'éloquence prodigieux, est une application intelligente, profonde, de la conception que se fait Louis XIV, effectivement, de ce pouvoir, avec ce côté panoptique, hein, pour reprendre le mot de Foucault, et un côté panoptique du pouvoir qui voit de tous côtés. Et souvent, on critique cette tirade, on critique ce cinquième acte, sans peut-être voir que le cinquième acte de Tartuffe et l'arrivée de ce monarque, c'est l'équivalent comique du Deus ex machina, c'est-à-dire du dieu qui, depuis une machine, venait dans la tragédie résoudre les conflits. Et que Molière avait utilisé dans une comédie précédente, Amphitryon, où Jupiter arrivait du haut de son char à la fin pour expliquer la situation. Et là, nous avons comme un Deus ex machina au niveau du sol, au niveau d'une famille bourgeoise, avec une parole royale qui vient dans sa grande éloquence. Et il y avait, il ne faut jamais l'oublier, au théâtre quand même, ce plaisir de la belle parole. Hein. À la fin de Phèdre, Racine mettra un récit où on explique très longuement la mort d'Hippolyte. C'est Théramène, son précepteur, qui va donner ce long récit. On estime de nos jours que c'est un tunnel, un peu comme à la radio. Je crois que vous avez très peur des tunnels, n'est-ce pas? Eh bien, les tunnels, on les aimait à cette époque-là. Là, parce qu'on aimait entendre parler les gens. Ah ben c'est un plaisir hein, d'écouter parler. Alors cette langue de Molière qu'on évoque tant, Patrick Dandré, vous êtes professeur émérite de littérature à Sorbonne Université. Quand Versailles m'était compté, la cour de Louis XIV par les écrivains et son temps, publié aux belles lettres notamment, et tant d'autres, avec cette question, parce que c'était un peu ça qui nous portait, c'est est-ce que Molière a contribué à renforcer le pouvoir absolu de Louis XIV? Bon, on sent qu'il n'y a pas de vraie réponse. Thierry Sarment joue à faire la moue. Je pense que Louis XIV n'avait pas absolument besoin de cela. Molière était parti d'un système de cour et d'un système de représentation du pouvoir. Je n'aime pas le mot de propagande qui me paraît anachronique. On est plutôt dans la proclamation du pouvoir royal, dans cet ensemble de divertissements. Mais la partie d'éloge dans l'œuvre de Molière, elle est seconde par rapport au comique. Oui. Vous savez, le mot de Gaulle, on n'enferme pas Voltaire à propos de Sartre. Sartre a fait partie de la gloire de la France gaulienne. Eh bien, Molière fait partie de la gloire de la France de Louis XIV, et celui qui a le mieux compris ça, c'est Voltaire, quand il a écrit Le siècle de Louis XIV, et qu'il a montré que les grands créateurs, qui n'étaient pas forcément des turiféraires, ont ennobli ce règne sans même qu'ils aient eu besoin d'être favorables à l'absolutisme. Je dirais qu'il y a là un rayonnement qui est autre chose que la pratique concrète et administrative du pouvoir, vous voyez. C'est un rayonnement et un éclat d'un pouvoir qui a su, disons, susciter ou simplement encourager des écrivains qui ont fait son prestige. Et dans le même temps, on ne peut pas dire que Molière a combattu le pouvoir absolu de Louis XIV. Non, c'est ni l'un ni l'autre. Son œuvre est une œuvre qui, comme toutes les grandes œuvres littéraires, est corrosive. Parce que c'est une œuvre qui porte en elle un souffle de liberté et une exigence de raison. Rationalité, liberté. Et en même temps, c'est une œuvre qui, par sa grandeur, s'inscrit dans un moment de l'histoire. Donc, elle est à la fois pour et contre. Et c'est le propre de la littérature d'avoir sa dimension, je dirais, immédiate, et puis sa dimension pérenne, je n'ose pas dire éternelle devant l'historien. Non, mais c'est vrai que cette dimension, allez, si disons éternelle, de la littérature de Molière comme source pour étudier ce siècle de Louis XIV, Thierry Sarment, en fait. Et donc, pour l'historien, c'est pain béni de voir apparaître ce personnage du marquis, ce personnage du bourgeois, ce personnage de la femme savante, avec évidemment toute la nécessité de décrypter ce qu'il y a derrière des types théâtraux qui ne sont pas forcément des types sociologiques. Voilà, tout simplement, et les sources, comme toujours, à utiliser avec des pincettes. Merci vivement à tous les deux, hein, Thierry Sarment, vous Louis XIV, j'ai envie de le dire, parce que il y a l'homme et le roi et l'univers du roi soleil. Et merci aussi à Patrick Dandré avec Quand Versailles m'était compté, et puis toute votre œuvre qu'on retrouve sur le site franceculture.fr du cours de l'histoire. Merci beaucoup et le spectacle continue, car voici Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Comment les Égyptiens ont découvert la cardiologie ? dans la civilisation égyptienne, qui couvre une période allant de 3000 avant Jésus-Christ environ jusqu'à la conquête d'Alexandre le Grand en 332 avant Jésus-Christ, le cœur a occupé une place essentielle à la fois sur le plan religieux et sur le plan médical. C'est le seul viscère que les embaumeurs devaient impérativement laisser en place après la mort. Pour comprendre l'importance accordée à cet organe, il faut rappeler la façon dont les Égyptiens situaient l'homme au sein de l'univers. Soucieux que le corps soit maintenu en harmonie avec le cosmos, ils cherchaient à protéger son organisme de l'influence néfaste des démons ou des divinités hostiles. Comme ils étaient convaincus que les symptômes d'une maladie traduisaient la rupture de cette harmonie, le rôle des médecins était de la rétablir en associant étroitement l'art médical et les croyances religieuses afin de combattre les causes des désordres constatés. Le procédé de la momification avait pour but de maintenir l'enveloppe corporelle intacte pour qu'elle devienne le réceptacle des composantes spirituelles indispensables à la vie du défunt dans l'au-delà. Il fallait absolument préserver le corps pour assurer la vie éternelle. Voilà pourquoi, lorsque le cœur était arraché par erreur, il était replacé dans la cavité thoracique, souvent accompagné d'une amulette funéraire, le scarabée du cœur, qui portait, gravé sur son ventre, un extrait du livre des morts. « Ô mon cœur, ne te dresse pas contre moi comme témoin. Ne m'accuse pas devant le tribunal. Ne te tourne pas contre moi en présence du préposé à la balance. » Il s'agissait du dieu Anubis. Cet intérêt de la religion égyptienne pour le cœur a eu des effets positifs sur le plan médical. On constate en effet que cet organe a été décrit d'une façon très précise dans les différents hiéroglyphes qui le représentaient. Dès la première dynastie des pharaons, vers 3000 avant Jésus-Christ, les Égyptiens ont posé les jalons d'une physiopathologie cardiovasculaire tout à fait novatrice, qui a perduré pendant plus de 30 siècles. Les historiens se sont demandé comment les médecins de cette époque avaient pu observer le système cardiovasculaire. La source la plus importante de leur connaissance anatomique venaient de constatations réalisées sur des animaux et parfois sur des blessés. S'il semble exclu que les médecins égyptiens aient pratiqué des dissections, il n'est pas impossible qu'ils aient assisté en tant que témoins aux différentes étapes de la momification. C'est ainsi qu'ils auraient acquis les connaissances que ne possédaient pas les autres peuples de l'Antiquité qui ne momifiaient pas leurs morts. Un papyrus daté de 1550 avant Jésus-Christ est considéré aujourd'hui comme le premier livre de cardiologie dans l'histoire de l'humanité. Il prouve que les médecins de l'Égypte ancienne ont fait progresser leur science en s'émancipant progressivement de la magie, même s'ils ne l'ont jamais totalement abandonnée. Ils ont découvert des relations entre le pouls et le cœur et en ont tiré des interprétations pertinentes pour établir des diagnostics. Leur conception perdurera plus de 3 millénaires avant que William Harvey n'établisse en 1628 les fondements modernes de la circulation sanguine. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui la technique Élise Leu, une émission préparée par, mais quelle belle troupe, Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Dudès, Jeanne Copet, Gillian Tilly, Mayouen Guizhou, et merci à Sabine Dahuron de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Guerre en Ukraine, le podcast de la rédaction internationale de Radio France. Le récit de la guerre par les envoyés spéciaux et correspondants de France Inter, France Info et France Culture. Isabelle Labéry. Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, où en est le rapport de force militaire? Nos reporters et correspondants vous racontent ce qu'ils vivent et ce qu'ils voient, des faits, des témoignages, de l'analyse pour mieux comprendre cette guerre. Guerre en Ukraine, un podcast à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.